Méchant, méchant. La cité, la cité. J'ai le sourire aux lèvres quand je me trimballe et que je vois que les bolos font la queue leu. Ils ont dit en France y'a pas de travail, mais viens sur le rinté, on offre des CDD. Tous les jours pour moi c'est comme les causes, je bouge où je veux, Higo, j'attends pas cet été. Pélo Gozi vient de se faire péter à l'aéroport, aussi CDG. Bangui, Braza, Douala, Bantou énervé qui font pas la mala. Prévois l'avenir sans jamais dire Inch'Allah. Attends vite fait, je t'explique en Lingala. Maman Ayo, ma petit bati qui pousse à la Malingue côté comme ma titi. Les grands leur racontent des salades, leur faut croire que c'est comme ça dans la cité. Chevalier du game, y'a du sang de traite qui coule sous l'épée. Chacal, tu crois quoi? Mais jamais de la vie, on va tout laisser. Chacun fait son bif, on verra bien qui va rester. Charwa et le gang, Charwa et le gang. À la base, c'est le boss, personne parle avec lui. Tout le quartier le craint, il règle tous les ennuis. La hagra, ça paye pas, les petits l'ont averti. Un soir tard dans la nuit, ils ont fumé José P. Ils ont fumé José P. Ils ont fumé José P. Ils ont fumé José P. Ils ont fumé José P. Ils ont fumé José P. Ils ont fumé José P. Ils ont fumé José P. Pas dingue, t'as quitté le quartier, chacun fait son temps, maintenant faut partir. Ça tire au peupon, ça tire au mortier, toujours au combat, je vais mourir martyr. Bitches, rappelle-moi après, pendant le charbon, je parle pas au folle. Je t'ai dit que je suis cramé, je joue pas la folle. Arrête de demander, c'est quoi la somme? On a grave gravi les échelons sans jamais poser un genou à terre. Eux ils parlent, font pas de bifton, donc ils ont cru que ça allait tomber du ciel. À la barre, même si t'as raison, sans bon baveux, tu vas manger du ferme. Je me gare pas loin de l'Uffiton, tous les passants ont admiré le fer. Là, c'est bon, c'est bon. Paye-moi, parle plus chinois. Pas plus chinois. Sinon, sinon, j'augmente le prix deux fois. Le prix deux fois. C'est bon, c'est bon. J'allume, j'parle plus chinois. Pas plus chinois. Charwa et le gang, Charwa et le gang. À la base c'est le boss, personne parle avec lui. Tout le quartier le craint, il règle tous les ennuis. La hagra ça paye pas, les petits l'ont averti. Un soir tard dans la nuit, ils ont fumé José P. Ils ont fumé José P. Ils ont fumé José P. Ils ont fumé José P. Ils ont fumé José P. Ils ont fumé José P. Ils ont fumé José P. Ils ont fumé José P. Ils ont fumé José P.